Allô, monsieur Dumouriez ? C'est madame Fraisse. Voilà, il y a un problème dans la salle de bain. Il y a de l'humidité sur le mur. La peinture est en train de tomber. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Alors, il faut d'abord voir si c'est bien ça. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fera après ? Il faut prévenir votre assurance.